Les Biflés de se souviennent. Enregistrement réalisé pour audiocité.net par l'auteur lui-même. Il n'y avait qu'hier pour voir au-dedans de l'ivoire en pendaison. Pendant que d'autres se frottaient la cervelle sur les caveaux de l'oubli, des milliers de fourmis et d'araignées allaient et venaient sur les pavots du calvaire. Sensibilisation aiguë des lendemains euphoriques, longitude du Bitrix en flanc de l'arrière jusqu'à perdre les pédales, d'où irons-nous boire de cette eau pour apaiser cette faim qui nous assaille? Je le dis, ces lendemains sont ténébreux pour ces âmes qui se cherchent. Qu'au devenir nous allions plus loin, vers ces lieux où les sandales mangent du riz, nous pourrions voguer sans cesse aux côtés des luxures légères. Promptitude inachevée qui fait que la vie sans cesse se gave de confiture, il faudrait changer les mœurs du Sappho bidon pour entreprendre les danses infinies de la gloire abusée. Cris minces de joufflure de bétonnière, les biflides qui jonchent les rivières se souviennent du jadis. Croiriez-vous qu'au-delà les rivières, les souvenirs sont lâches et sans raison? Dormirions-nous sans savoir que le prix de la pêche se vaut des maux de ventre? Non, car si la gamme des savoirs en décomposition s'additionne au manque de savoir mort, la lâcheté, pire que la nonchalance, se fait lucide. Trisla de couver dix flots dracar, la flie d'abonder slabidou d'éclafontaine. Le rire du tri clame le bon, et si d'un coup les plafonds tombent et laissent les rideaux sans crochet ni savon, c'est qu'il y a erreur. Je dis qu'au-delà le verbe, il y a un trou, et ce trou, plus grand qu'une épave qui se fait belle, se gambade à n'en plus savoir où se trouver. Si jamais vous voyez le trou, sachez qu'il ne faut point l'interrompre, mais plutôt le flatter dans le sens des babines. S'il y a erreur, c'est qu'il fait bon. Les soldats aux fières allures cherchent la mort au coin des rues. Comme un fou dans sa cellule, comme un chien court après sa queue. Transpiration aux fluides acides, couvrant de sa peau de pubères étincelles, les rires en éclats jusqu'aux larmes en encoudoir, allons dans la tanse manger nos manteaux. Les fluides se font rares en nuit de jour. Gambadant sa carcasse, le roi écrevisse court à sa perte. Il en faut peu pour nourrir les poissons. Ventricule disloqué d'un rêve aboli, usurpateur en divergence de contexte, les biflides se souviennent. Les dédains d'une chanson dans les chansons dingues. Quoi de plus romanesque qu'un troupeau de vaches qui broute l'herbe? Quoi de plus pur qu'un ciel ombragé d'un lendemain sans futur? Croiriez-vous aux monstres s'ils n'existaient pas? Ils sont là, autour de vous, mais vous ne les voyez pas. Clan bien même de trémines flimousses de coton, les ripèdes de clôture s'en vont en guerre. Slipèdes de ventricules disloqués de didème, voguette transesse, clémence libidou. Blitra, vogleur, ripon, clitaline, mitra, casla, bitrix, climdi. La flie de sli ramène le flottin vers le lacla de clibitude. Blitra très mince. Les biflides se souviennent, comme s'il fallait des culottes pour porter des morts. Cramponnons-nous d'avoir bien mangé de nos chairs en amour. dans le parc où nous allions tous en ronde chercher la gloire, les savantes mixtures se plaisaient à battre des ailes. Le mignon va-bon-ton se faisait croître selon la recette de mère nature en pirogue. Les oiseaux perdaient la tête. Plume un chat n'osait traverser ces omniprésents qu'étaient les passants. Tout allait bon train, tout respirait le qui-vive d'un matin ordinaire. Plus loin, vers les tendances à fuir la routine, je voyais un nuage et un clocher s'embrasser le long d'une lèvre. C'était délicieux de superbes visions. Éclatement immédiat sans retour possible vers la terre ferme. Misère de volubile grison, volontaire globule qui se vautre millions, descend toujours en des draps de dragon. Regardez vous aussi, avant que l'heure n'avance qu'à un pas de plus pour vous endormir. Heureusement pour nous, les jonctions entre les voûtes du destin nous ramènent toujours entre celles de demain. Voilà qu'ainsi nous puissions nager dans les vases sulfureux de la mer qui se perd. Je dis à mon ami qu'à mon rythme je pouvais, non sans lourdeur à l'épaule droite, supporter tous les tracas que contractait le monceau en colline de Jules-Terre. Ce pays où parfois jonction et friction ne font qu'un, et qu'une pluie inonde de plongeons de miroir. Jubilation trépidante qui en vaut la peine. Je voyage dans de parfaites évidences. L'harmonie des couleurs se juxtapose à la justesse musicale de ces notes en flottaison. La distance entre l'ultérieure passion déchirante et le va-bon train de la mer ensoleillée nous rappelle toujours qu'il faut savoir nager pour ne pas se perdre dans les vaporeuses illusions cristallines. Les chats boivent de l'eau, les oiseaux dansent sur la musique des va-nu-pieds, les hirondelles, pires que les bougeoires, scintillent au mouvement des profondes lumières. Mon ami qui me regardait d'un œil hagard me dit: croirions-nous au scintillement des lumières s'il n'y en avait point? Ni n'avions qu'un pas à faire pour se croire des oiseaux. Nager ainsi vaut bien mille mots, et me foutre à l'eau, j'en ai bien peur. Sortirons-nous de ces vaporeuses illusions, crois-tu? Hébété, le silence fut acquis. De ma poche, je sortis le mouchoir de mes pleurs en entonnoir, le fis voir à plus d'un mille de distance, mais qui vive ne me répondit. Pris d'assaut par une nuée de lassitude, je me laissai flotter entre deux eaux. Quelle paresseuse cargaison que moi-même flottant entre ces eaux. Évidemment, il ne faut pas se leurrer. Le rouge vif de la bouteille en écume ne nous apportera pas consolation. La torpeur est plus grande que la noirceur, et le dédain d'une chanson ne peut qu'apporter tristesse à nos cœurs en détresse. Évidemment. Reflet de miroir, qu'attendez-vous pour manifester votre gloire? Qu'un bidon vienne en travers de flippons où les rêves crapauds sautent par-dessus les verres, ou encore qu'un crapaud saute par travers le flippon où les bidons rêvent dessous les verres qui viennent. Soyez lucide. Chancelante réflexion microbienne, frantactile, incessante jubilation d'un rêve non garni, épiderme en manque de flanc jusqu'au cou. Allez donc savoir, voyageur téméraire. Il nous fallait encore bien plus de mal pour sortir de nos gonds les fabuleuses Timothées au rang des quatre, sans nous laisser aveugler par ses entourloupettes de dames en cœur. Au loin, un cri sans allure nous parvint plus fort qu'un écho. Nous entendîmes des sons nébuleux. Serait-ce donc fort possible qu'au-delà de nos têtes, il y ait décanalisation du réseau de compréhension? Pourrait-il y avoir autre vie que la nôtre, flottant par-ci, par-là, à travers les vagues de la mer insouciante? Pourrais-je enfin voir de mes yeux ces oublis qui furent les nôtres? Espoir de demain, nous voilà tant dans nos mains. Grisaille épanouie, jusqu'à n'en rire éparpillée. Mais voilà qu'à l'aube de nos mains, nous fûmes surpris en plein délire. Mon ami qui n'avait jamais vogué plus loin qu'un poil de barbe dans une soupe, cria si fort que je ne pus me contenir. Les lendemains sont ténébreux, plus rien qui ne vaille les poissons d'or. Puissions-nous nous rendre en ces lieux de dérision, qu'à jamais nous reposions notre tête en cavale? Oh, que de frissons! Le temps est long pour nous de voir le flottin jusqu'aux eaux. Mon ami répliqua avec juste valeur. Enfin, Trima ne pourra plus nous rejoindre. J'acquiesçai.